À l'occasion du 68e anniversaire de la fondation de la République populaire démocratique de Corée, le séminaire international sur les idées du jeté pour l'indépendance anti-impérialiste et la solidarité aura lieu le 8 septembre à Pyongyang, sous les auspices de l'Institut international des idées du jeté, en présence des délégations et délégués des organisations d'études des idées du jeté de divers pays et régions du monde. Le séminaire impulsera davantage l'étude et la vulgarisation des idées du jeté et contribuera au renforcement de la solidarité internationale entre tous les pays et peuples en lutte pour la réalisation de la cause d'indépendance anti-impérialiste.